Ce qui avance que la femme serait moins incarnée dans la matière que l'homme aurait mis le doigt sur un fond de vérité, sinon de réalité, en prétendant que ses excès seraient dus à une sensibilité intérieure reliée à des niveaux de conscience intuitifs que seuls connaissent les êtres doués d'une grande réceptivité. Une telle observation favoriserait l'explication que la femme, voulant qu'elle soit un être doublement doué, c'est-à-dire pouvant vibrer à la vie et sourire à la mort. Sous de telles conditions, n'est-il pas raisonnable d'avouer que les névroses de la femme sont l'expression de conflits existants entre sa nature temporelle et sa nature spirituelle? Tant qu'elle ne pourra intervenir dans la matière et y faire régner l'ordre qui lui plaît, elle souffrira, névrosera, car sa nature spirituelle ou intuitive sera reléguée à un sous-plan de son expérience de vie. Ce manque d'intégration de sa conscience personnelle transpirera comme une forme ou autre de névrose masquant une réalité non réalisée. Une grande part de la névrose féminine découle d'une insuffisance marquante d'autonomie, surtout dans les sociétés surchargées de traditions. Il est inconsistant avec la structure psychologique d'un être évolué que la femme soit à un tel point dépendante de conditions hors de son contrôle que le moindre déséquilibre dans son environnement social lui fasse prendre conscience du caractère précaire de sa condition. Le fait que les femmes du monde regardent vers l'Europe et l'Amérique est un indicatif indéniable du manque d'autonomie chez elles, d'où la source abondante d'angoisse qui sape leur énergie créative et les rend passibles d'immobilisme. Lorsque la femme devient trop angoissée, elle succombe à la névrose qui est la toile de fond contre laquelle se dessinent ses luttes intérieures. La névrose est une asphyxie de la conscience qui atteint son apogée lorsque la femme a l'impression qu'elle a perdu le contrôle sur sa vie et que le tunnel se rétrécit irrémédiablement. La femme doit se prendre en main si elle désire éviter une dispersion périlleuse de ses forces vitales, dont la névrose est l'expression la plus évidente. Ces dernières présentent le plan fondamental de ses besoins les plus profonds et lorsqu'ils sont dictés par une volonté d'agir au-delà des limites imposées par un conditionnement social quelconque, ils lui permettent d'actualiser son potentiel et de retrouver une part de l'autonomie qui lui a graduellement échappé au cours de son expérience. La grande sensibilité de la femme accable sa conscience lorsqu'elle perd notion d'elle-même. C'est à ce point qu'elle devient une excuse pour le refoulement intérieur, laissant présager imperceptiblement la névrose qui froissera finalement le calme de sa conscience. La femme doit apprendre à se protéger contre les affronts innombrables qui risquent de marquer son existence. Elle doit prendre soin de se protéger contre ses émotions faciles et à fleur de peau pour se mieux parer contre les attaques. Si elle ne s'arme pas d'une psychologie défensive, elle se bouleversera aisément et poursuivra, les yeux fermés, le sentier de la non-résistance et de l'acceptation. Et lorsqu'elle deviendra insatisfaite de son sort, elle se croira trop avancée dans la vie pour faire le redressement nécessaire. La femme doit reconnaître qu'elle est un être à part entière et qu'elle doit volontairement repousser l'oppression et l'agression qui font de sa vie une expérience trop souvent mal aimée. La névrose de la femme entrave le développement de sa conscience, car les voiles accumulés au cours des années finissent par brouiller sa vision claire de la vie. Elle perd graduellement la notion d'elle-même à un point où il lui est ardu de se reprendre à charge. Cette condition menace d'être une défaite dans le cas où l'avenir confirmerait son impuissance à reprendre sa vie. La femme est douée de sensibilité, mais elle ne doit pas être évidée par ses sentiments, car ce qui fait partie de sa nature se retourne aisément contre elle et fait de sa vie un cauchemar. La névrose crée chez elle une dépendance à ressusciter de vieux tableaux qui occultent sa vie présente et la rendent inconfortable. Ces fiestas imaginées rétrécissent son champ de vision et la force à rétrograder, en ne préservant que ce qui fut. Tant que la femme n'aura pas reconnu que son imagination est un couteau à deux tranchants, elle risquera d'en être pénalisée, car elle est beaucoup plus poignante chez elle que chez son partenaire lorsqu'elle se raccorde aux joies ou aux souffrances du passé. La femme peut rassénérer son être en réalisant qu'une grande part de son imagination négative est imputable à la suspension ou l'absence d'une conscience objective. Pour s'affranchir de ces débordements, elle doit s'approprier une forte dose d'intelligence rationnelle dans le but de se soustraire davantage à un imaginaire débordant qui l'écarte de la réalité et lui nuit. Lorsqu'elle est frappée de douleur et d'image et li... Lorsqu'elle est frappée de douleur, l'imagination la maintient dans la mémoire, dont il est difficile de se soustraire. Elle doit reprendre contact avec la vie et non le passé, car ce dernier est le marécage de la fantaisie où tout et rien ne peut être rappelé, remonté à la surface pour hanter son esprit et diminuer sa volonté d'être libre. Il n'y a rien chez la femme qui soit faible lorsqu'elle se prend en main. Mais dès qu'elle se gave de pensées noires fournies par une imagination fertile et négative, elle perd la forme de s'élever au-dessus de la souffrance que renforce la divagation. C'est à ce point qu'elle se met à dépérir.